إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى كما نسأله التوفيق والسداد فيما نأتيه. يقول الإمام الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية لسيزيم حديث أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أدي J'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, le licite, le halal est évident, et certes, l'illicite, le haram est évident. Et entre ces deux, il y a des choses équivoques qui sont ignorées par beaucoup de gens. Quiconque donc se préserve des choses équivoques a certes purifié son honneur et sa religion. Et quiconque tombe dans les choses équivoques tombe dans le haram. Cela comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un territoire gardé, alors il se rapproche d'y pénétrer pour paître. Et certes, tout roi a un territoire gardé, et le territoire gardé d'Allah sont les choses qu'il a interdites. Et certes, il y a dans le cœur un morceau de chair, qui s'il est réformé, alors tout le cœur le sera. Et s'il est corrompu, alors tout le corps le sera. Ceci est le cœur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce hadith, comme cité dans l'explication du premier hadith, fait partie des trois hadiths autour desquels tourne toute la religion, qui sont le hadith de Omar ibn al-Khattab, certes les œuvres ne valent que par les intentions, puis le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui est le hadith précédent: quiconque accomplit dans notre religion une œuvre dont nous n'avons pas donné l'ordre, alors cela est rejeté, qui touchait aux actes apparents, quant au fait qu'ils soient conformes à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis le hadith de Nu'man ibn Bashir que nous avons entre les mains, qui touche et a pour sujet le halal et le haram, le licite et l'illicite, et les choses équivoques, ambiguës dans la religion, qu'il est impératif de délaisser. Et certes, la religion tout entière tourne autour de ces trois hadiths, car comme le citent les gens de science, l'islam est composé d'ordres, d'interdits et de choses équivoques qu'il faut délaisser, ce qui se trouve dans les trois hadiths. Et l'accomplissement des ordres et des interdits n'est accepté que s'il repose sur les deux conditions pour l'acceptation de chaque œuvre, qui sont la sincérité de l'auteur et la conformité de l'acte avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité donc, qui est dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, certes les œuvres ne valent que par les intentions. Et la conformité de l'acte avec la sunna, qui est dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, quiconque accomplit une œuvre dont nous n'avons pas donné l'ordre, alors cela est rejeté. Donc, ce hadith fait partie des trois hadiths autour desquels tourne toute la religion. Puis, quant à l'explication du hadith en lui-même, premièrement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: certes, le halal, le licite, est évident, et certes, le haram, l'illicite, est évident. Et entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ne connaissent pas. Al-Imam ibn Rajab rahimahullah nous dit en commentaire de cela. C'est-à-dire que le halal pur est évident. Il n'y a aucune ambiguïté à son propos. Tout comme le haram pur est évident. Mais entre ces deux, il y a des choses dont le jugement religieux est ambigu pour beaucoup de gens. Sont-elles licites ou illicites? Et quant aux gens de science, quant aux gens ancrés dans la science, alors cela n'est pas ambigu pour eux. Et ils savent de quel groupe ces choses font partie, halal ou haram. Puis il nous cite, rahimahullah, certains exemples de choses halal évidentes, comme les bonnes nourritures qui proviennent de la culture, ou les fruits, ou bien les bestiaux, les bonnes boissons, les vêtements dont on a besoin, le mariage et autres. Et il nous cite, rahimahullah, certains exemples de choses haram pures, comme le fait de consommer une bête morte, ou de la viande de porc, ou la consommation de vin, ou de porter de la soie pour les hommes, ou les gains illicites, comme le riba, l'usure et autres. Et par la suite, il nous cite, rahimahullah, certaines choses équivoques, certaines choses autour desquelles les gens de science, les gens divergent. Quant à leur jugement, sont-elles licites ou illicites? comme la consommation de cheval, de la mule, de l'âne ou de la hyène, ou la consommation de certaines boissons dont la consommation en grande quantité enivre, ou la pratique de certaines méthodes visant à gagner de l'argent et autres. Donc certaines choses autour desquelles les gens ont divergé quant à leur caractère licite ou illicite. Puis nous dit rahimahullah plus loin. Donc en résumé, Allah a fait descendre sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam le livre et a détaillé dans celui-ci tout ce dont la communauté a besoin comme licite et illicite. Comme il nous le dit d'après le sens du verset, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme explication et détail de toutes choses. Sourate les abeilles, verset 89. Mujahid, rahimahullah, a dit, en explication de ce verset, c'est-à-dire, nous avons fait descendre sur toi le livre, comme explication et détail de toutes choses, c'est-à-dire en explication de toutes choses qui leur a été ordonnée ou interdite. Donc le livre, le Coran, est venu détailler toutes choses concernant le halal et le haram. Puis il nous dit, rahimahullah, et Allah a chargé le messager sallallahu alayhi wa sallam de détailler dans ce qui concerne la révélation tout ce qui en a besoin. Comme il l'a dit, d'après l'essence du verset, nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu détailles aux gens ce qui fut descendu sur eux. Sourate les abeilles, verset 44. Et il n'est mort sallallahu alayhi wa sallam qu'après qu'Allah ait complété la religion pour lui et pour sa communauté. C'est pour cela qu'a été descendu sur lui, peu avant sa mort, le jour de Arafat, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset « Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. » Surat Al-Ma'ida, verset numéro 3. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous ai laissé sur une voie blanche et pure, ne dévie d'elle qu'une personne vouée à la perdition. » Rapporté par Ahmed et autres. Et Abu Dhar, le compagnon du messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le messager est mort et il n'a laissé aucun oiseau dans le ciel sans nous en citer une science à son propos. » Puis il nous dit, rahimahullah, et de manière générale, Allah et son messager n'ont laissé aucune chose de licite ou d'illicite sans l'avoir détaillé. Mais certaines de ces choses ont un détail plus apparent que d'autres. Ce qui a donc été détaillé de manière apparente et qui est répandu et connu comme faisant partie de la religion, il n'y a aucun doute à son sujet, c'est-à-dire quant au fait qu'il soit licite ou illicite. Et aucune personne vivant dans un pays dans lequel l'islam est apparent n'est excusée quant à son ignorance. Et quant au sujet dont le détail est moins évident, alors il y en a certains qui ne sont connus que par les gens de science. Ceux qui apprennent la religion, il se peut donc qu'ils soient ignorés de ceux qui ne font pas partie des gens de science. Et parmi ceux-là, il y a aussi des sujets qui ne sont pas connus et répandus auprès de ceux qui apprennent et détiennent la science. De ce fait, il apparaît une divergence quant à leur caractère licite ou illicite. Intaha kalamuhu rahimahullah. Dans la citation des propos de l'imam Ibn Rajab. Donc, l'imam Ibn Rajab rahimahullah nous a cité ici plusieurs points. Premièrement, des textes de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala allant dans le sens de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Certes, le halal, le licite est évident, et certes, le haram, l'illicite est évident. » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont détaillé tout ce qui se réfère à la religion. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après l'essence du verset, « Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et parachevé sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. » Donc l'islam est complet et détaillé sur tout. Quant au deuxième des points, que l'imam Ibn Rajab a cité, rahimahullah, dans ses propos, il est ce qui vient en réponse à une question qui peut être posée. Cette question sera de dire, pourquoi donc nous trouvons, comme l'a cité le messager sallallahu alayhi wa sallam, des choses ambiguës et équivoques dans la religion, dont nous devons nous en écarter, alors que la religion est complète et a été détaillée sur tout point de vue. Alors la réponse à cette question est que ce détail de l'islam et de tout ce dont les musulmans ont besoin concernant leur religion est à certains moments plus apparent que d'autres. Cela selon premièrement les différentes catégories de gens. Car certes, les gens de science sont plus amènes à connaître les règles concernant les sujets religieux que les gens de la masse. Puis, l'imam Ibn Rajab rahimahullah nous cite aussi plusieurs causes pouvant mener à ce que le jugement d'un sujet religieux soit méconnu auprès de certaines personnes. Il nous cite parmi cela, premièrement, le fait que la preuve concernant ce sujet ne soit pas connue auprès des gens, car elle n'a été rapportée que par un petit nombre de gens. Donc, de ce fait, certaines personnes de science ne la connaissent pas. Parmi cela, il peut y avoir le fait que le texte concernant ce sujet religieux ne soit pas explicite, mais que l'on tire son sens de par une généralité, ou de par un sous-entendu, ou une analogie. De ce fait, la compréhension des gens quant au sens de ce texte sera très différente. Et parmi ces raisons, il peut y avoir le fait que dans ce texte, il y a un ordre ou une interdiction, mais que les savants divergent quant au fait de savoir est-ce qu'il est voulu par cet ordre une obligation ou bien une simple incitation à accomplir cet acte sans que cela ne soit obligatoire. Ou bien est-ce qu'il est voulu par cette interdiction l'obligation de délaisser cet acte ou bien seulement une incitation à ne pas l'accomplir sans que cela ne soit interdit. Ou bien d'autres causes pouvant mener à ce que le jugement religieux d'un sujet ne soit pas apparent pour tout le monde. Mais, de manière générale, nous avons la certitude que la vérité sera avec une personne ayant un avis, car l'islam a été détaillé et la vérité est présente. Et donc, le hadith que nous avons entre les mains nous cite le remède quant à ce problème. Cela pour les gens qui ne font pas partie de la première catégorie, qui ne font pas partie des gens de science, qui connaissent ces sujets. Alors le remède sera ici, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses propos, « Quiconque se garde des choses équivoques aura certes préservé sa religion et son honneur. » Donc le fait de s'écarter des choses ambiguës, par peur de tomber dans le péché, lorsque l'on a un doute quant à leur caractère licite ou illicite, est la solution. C'est-à-dire que lorsque l'on sait qu'une chose est licite, on ne la sortira pas de cet état jusqu'à ce que l'on ait la certitude qu'elle est devenue illicite. Et à l'inverse, lorsque l'on sait qu'une chose est illicite, on ne la fera pas sortir de cet état jusqu'à ce que l'on ait la certitude qu'elle est devenue licite. Mais lorsque l'on a un doute, alors ce qui est meilleur et plus amène de préserver l'honneur et la religion de la personne sera de délaisser cette chose jusqu'à ce que l'on ait une certitude nous montrant que cette chose est licite. Cela pour ne pas tomber dans des choses ambiguës et risquer par la suite de tomber dans le haram. Parmi ce qui vient montrer cela, en plus du hadith que nous avons entre les mains, la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim, qui a dit « Je me trouve certes auprès des miens, puis trouve sur mon lit une date, la prend pour la manger, puis je suis pris de peur quant au fait qu'elle soit une aumône et la jette. » Cela car, comme nous savons, les aumônes sont interdits aux messagers sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque la personne a un doute quant au caractère licite ou illicite d'une chose, alors il lui est demandé de la délaisser en prenant, pour exemple, dans cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela sera une cause pour que la personne préserve, purifie sa religion et son honneur. Puis, quant à la troisième catégorie de gens, elle est celle de ceux qui auront pour habitude de s'adonner et d'accomplir les choses ambiguës. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit à leur sujet, et quiconque tombe dans les choses équivoques, ambiguës, tombe dans le haram. Et quiconque tombe dans les choses équivoques, ambiguës, tombe dans le haram. Il a été dit, en explication de cela, c'est-à-dire que celui qui s'adonne aux choses équivoques, alors qu'il sait que cela est une chose équivoque, alors cela le mènera par la suite, peu à peu, à accomplir le haram, dont il sait qu'il est haram. Cela graduellement et par laisser aller. C'est pour cela qu'il a été rapporté dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui s'ose à accomplir ce dont il a un doute comme péché est proche d'accomplir ce qui est péché apparent. » Tout comme il a été rapporté à son inverse dans le sahih de l'imam al-Bukhari, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui délaisse ce qui lui est ambigu comme péché sera plus amène de délaisser ce qui est apparent comme péché. » Donc le fait que la personne s'habitue à accomplir les choses équivoques et ambiguës la poussera à accomplir ce qui est haram apparent. Et quant au deuxième sens qui a été dit par rapport à ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est que celui qui s'adonne à une chose qui lui est ambiguë ne sait pas si cela lui est licite ou illicite. Il n'est donc pas à l'abri que cela soit en réalité une chose illicite. Il aura donc accompli une chose haram alors qu'il ne sait pas que cela est haram. Donc ce hadith incite le musulman à s'écarter de son mieux de ce qui peut l'amener à tomber dans le haram. et à mettre un rempart entre lui et le haram, qui sera le délaissement des choses équivoques dans la religion. Et parmi les textes religieux venant appuyer cela, nous avons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset: ceux-ci sont les limites d'Allah, ne vous en approchez pas. Et sa parole subhanahu wa ta'ala: ceux-ci sont les limites d'Allah, ne les transgressez pas. Et parmi les récits rapportés des pieux prédécesseurs allant dans ce sens, nous avons ce qui a été rapporté d'après Abu Darda radiallahu anhu qui a dit: la véritable piété consiste à ce que le serviteur craigne Allah, au point de craindre la chose la plus minime, jusqu'à délaisser certaines choses qu'il voit licites par peur de tomber dans l'illicite, en prenant cela comme voile entre lui et le haram. Il a été rapporté aussi d'après le Hassan qui a dit: les pieux n'ont cessé de faire preuve de piété au point de délaisser beaucoup de choses licites par peur de tomber dans l'illicite. Et d'après Sofiane al-Thawri, rahimahullah, qui a dit: les pieux ont été appelés pieux car ils ont craint ce qui ne se craint pas. Et bien d'autres textes allant dans ce sens, comme ce qui fut rapporté d'après Sofiane ibn Uyayna, rahimahullah, qui a dit: le serviteur n'atteindra pas la véritable foi jusqu'à ce qu'il mette entre lui et le haram un rempart de halal, et jusqu'à ce qu'il délaisse les péchés et ce qui est équivoque. Donc, en résumé, celui qui s'habitue à accomplir ce qui est équivoque, ambigu, les choses dont il n'a pas connaissance ou dont il a un doute quant à leur caractère licite ou illicite, encourt de tomber dans l'illicite dans lequel il n'y a aucun doute. Il incombe donc à chacun de prendre en compte l'exhortation du messager sallallahu alayhi wa sallam afin de préserver sa religion ainsi que son honneur et de mettre entre lui et le haram, l'illicite, un rempart, cela de par le délaissement des choses équivoques et ambiguës. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous cite dans le hadith un exemple venant comparer celui qui s'adonne aux choses équivoques et ambiguës au berger faisant paître ses moutons autour d'un enclos gardé. Car tout comme ce berger ne pourra pas être à l'abri que l'une de ses bêtes aille paître dans cet enclos qui est gardé, alors il en est de même pour quiconque accomplit et s'adonne aux choses équivoques. Il ne sera pas à l'abri de pénétrer dans le haram qui est comparable à cet enclos gardé, qui sont les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis quant à la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a certes dans le corps un morceau de chair qui, si il est réformé, alors tout le corps le sera, et s'il est corrompu, alors tout le corps le sera, ceci est le cœur. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit en commentaire de cela: dans cette parole, il y a une indication quant au fait que la réforme des actes du serviteur et de ses membres, son éloignement des choses interdites et son délaissement des choses ambiguës se fera selon la réforme des actes de son cœur. Donc si le cœur est réformé, alors cela fera que les membres le seront. Puis nous dit rahimahullah: et si le cœur donc est pur, saint, et qu'il ne contient que l'amour d'Allah et l'amour de ce qu'Allah aime, la crainte d'Allah et la crainte de tomber dans ce qu'Allah déteste, alors les actes de ses membres seront tous réformés. Et il découlera de cela le fait que le serviteur s'éloigne de toutes les choses interdites et qu'il prenne garde aux choses ambiguës par peur de tomber dans les choses interdites. Et si à l'inverse le cœur est corrompu et s'est emparé de lui le suivi des passions et la recherche de tout ce qu'il aime, même si Allah déteste cela, alors toutes les actions des membres seront corrompues. Et ces membres s'empresseront vers tout péché et vers toute chose ambiguë selon le suivi des passions du cœur. C'est pour cela qu'il a été dit: le cœur est le maître des membres et le reste des membres sont ses soldats, qui lui obéissent, accomplissent ses ordres et ne le contredisent en rien dans cela. Donc, si le maître, le roi, est vertueux, alors ses soldats le seront. Et s'il est corrompu, alors ses soldats le seront comme lui. Et n'est profitable auprès d'Allah que le cœur saint, le cœur en bonne santé. Comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, d'après le sens du verset: le jour où nul bien ou enfant ne sera profitable à quiconque, si ce n'est celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate les poètes, versets 88 et 89. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations: ô Allah, je te demande un cœur saint, un cœur pur, rapporté par Ahmed et autres. Puis, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit: et le cœur saint est celui qui est préservé des maladies et de toutes les choses détestables. Il est le cœur qui ne contient autre que l'amour d'Allah et l'amour de ce qu'Allah aime, la crainte d'Allah et la crainte de ce qui peut l'éloigner de lui. Puis il nous cite, rahimahullah, un récit d'après Al-Hassan qui a dit à un homme: soigne ton cœur, car certes le besoin d'Allah envers ses serviteurs est la réforme de leur cœur. C'est-à-dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de leur part et ce qu'il leur demande est la réforme de leur cœur. Et la réforme des cœurs ne peut se faire jusqu'à ce que s'installe en eux la connaissance d'Allah, de son immensité, son amour, sa crainte, l'espoir en lui et la confiance en lui. Et que le cœur soit empli de cela. Et cela est le réel tawhid, le réel monothéisme pur. Et cela est le sens de la parole « La ilaha illallah », nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et donc il n'y a aucune réforme pour les cœurs jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul qu'ils adorent et le seul qu'ils prennent pour divinité. Qu'ils le connaissent, l'aiment, le craignent, lui seul, sans associé. Et s'il y aurait dans les cieux et la terre une autre divinité adorée en dehors d'Allah, alors les cieux et la terre auraient été corrompus. Comme Allah nous dit d'après le sens du verset, s'il y aurait dans les cieux et la terre des divinités en dehors d'Allah, alors elles auraient été corrompues. C'est-à-dire les cieux et la terre auraient été corrompus. Intaha kalamuhu rahimahullah. Fin de citation de la parole d'Ibn Rajab rahimahullah. Donc nous tirons de cela, premièrement, l'immense importance de la réforme du cœur et la grande place du cœur. Car par sa réforme, se réforme le reste des membres. Et par sa corruption, est corrompu le reste des membres. Et certes, la réforme du cœur se fait, comme cité, par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, son amour, et par le fait que tous les actes du cœur, comme l'espoir, la peur, l'envie, ne soient voués qu'à lui seul subhanahu wa ta'ala, en dehors de tout autre que lui. Et nous tirons aussi du hadith la preuve que la corruption des membres extérieurs est un signe quant à la corruption de l'intérieur de la personne. Tout cela en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense de nous pardonner nos fautes et nos manquements et de remplir nos cœurs de sa connaissance et de son amour subhanahu wa ta'ala. Il est certes l'audient, l'omniscient. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.